que le tiara, ça amène à ce que ton cœur s'accroche à autre que Allah. Que ce soit dans le bien ou dans le mal. Que tu fasses un bien, que tu fasses un mal. Cela, ton cœur s'accroche à autre que Allah, donc cela est du shirk. Ça, dans le tafsir qu'on avait pris par rapport au raja, masalan, ou le khashiyah, le khawf. Tu as peur d'une chose, ou tu espères d'une chose, que seul Allah peut t'accorder. D'accord ? Donc, vous voyez bien, tout se rejoint, en fait. C'est-à-dire que vous regardez, en fait, Umouman, et Tawhid, Mabni, ou Shirk, Mabni, ala ta'alouk al-shay al-qalb, Birilillah fi iridat umur. Ça revient à ça, que la base, c'est que ton cœur s'accroche autre que Allah. Que ce soit dans les asbab, soit dans l'espoir, soit dans la peur, dans plein de choses. D'accord ? Quand tu accroches autre que Allah, tu espères cette chose-là. Quand tu invoques autre que Allah, tu espères cette chose-là. Quand tu prends un porte-bonheur, tu espères de lui. Quand il y a un porte-malheur d'après toi, tu as peur de lui, ainsi de suite. Tout cela, ça amène à ce bébé-là au moment que ton cœur s'accroche autre que Allah. Dans la peur, dans l'espoir, dans l'attente, et dans plein de choses. Et après, c'est plein de branches qui viennent dans différents domaines. فعدو الحنيف المقبل على الله والمعرض عن ما سواه. Celui qui se consacre à Allah et se détourne de ce qui est en dehors de lui. هذا هو قلب التوحيد. العبادة ذكرنا هو خوف ورجاء ومحبة. خوف Raja wa mhabba. Peur, espoir et amour. Peur, espoir et amour. Tout cela pour qui? Pour Allah. Si l'un des trois n'a autre qu'Allah, check. Et avec le tafsir, bien sûr. D'accord? Car tu peux aimer autre qu'Allah. On parle de l'amour qui lui revient à lui. Tu peux espérer d'autre qu'Allah. Pas de l'espoir dans les choses que seul lui peut t'apporter. Tu peux avoir peur d'autre que Allah, mais dans les choses que seul Allah peut t'atteindre, tu n'as pas le droit. Et les mouchriquins, hum waqa'u fi hadhihi al-umur. Car les mouchriquins sont tombés là-dedans. Que ce soit avec des hommes, avec des idéologies, avec des choses fictives qui ont été inventées, avec des arbres, avec des pierres, avec des morts, avec le soleil, avec la lune, tout cela, ça revient à ça. D'accord ? Et toute chose pour qui tu tournes ces choses-là, ça s'appellera ilah. Comme on l'a dit, que tu acceptes ou pas, tu dis non, j'adore pas. Ce que tu fais là, c'est une ibadah. Que tu dises que ce soit divinité pour toi, que tu le reconnaisses ou pas, que tu l'admettes ou pas, pour Allah, tu auras fait de cette chose-là une ibadah, une divinité. Que tu le veuilles ou non. On regarde pas ce que ta langue elle veut accepter ou pas. On regarde, selon le jugement d'Allah, ce que tu as fait là, tu auras cette chose-là divinité. Car on espère, dans ce bébé-là, qu'une divinité. On a peur qu'une divinité. On aime qu'une divinité. Et cette divinité, la seule qui mérite cela, c'est qui? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Le faire pour autre que lui, hadha shirk. Hadha shirk. Quand tu fais du riya, c'est que tu cherches à obtenir l'amour d'autre que Allah. En faisant ce que Allah veut que tu fasses pour lui. Tu attends de plaire aux gens, à la créature. Alors qu'à la base, cette plaisance, c'est Allah qui revient. C'est lui qui doit aimer ta salat. C'est lui qui doit aimer ton siyam. C'est lui qui doit aimer ce que tu fais. Maintenant, pas de mal à ce que tu espères que les gens apprécient. Mais dans quel but? Pour le lier à Allah. C'est-à-dire que ta dawa soit aimée. Dans quel but? Pas qu'elle soit aimée en elle-même, qu'elle soit aimée parce qu'elle est une cause qui amène au bien. Et que les gens, par cela, quand même, soient guidés vers Allah. Donc quand tu entends des gens qui font des éloges, il y a éloge, il y a éloge. Il y a éloge. Lizatik anta wa za mazmoum. Ouais, il y a éloge du fait que ce que tu fais, c'est un bon sabab. Quand des gens te remercient, tu dis, Alhamdulillah, grâce à ce que tu as fait, bifadullahi ta'ala, j'ai pu revenir, j'ai pu faire tawbah, j'ai pu comprendre. Ça fait plaisir toujours d'entendre ça, tu vois. Mais c'est quoi qui fait plaisir à la base? C'est que la personne soit revenue vers Allah et pas revienne vers toi. en toi-même. Sinon, là, tu tombes dans quoi? Tu t'appelles toi-même. Qul adi sabili adu ila Allah. Wa ma ana mushrikin. Dis, ceci est mon sentier. J'y appelle avec clairvoyance. D'accord? Moi, c'est ce qui me suivent. Et qu'Allah soit purifié, je ne suis pas du nombre des associateurs. D'accord? Donc, il y a éloge, il y a éloge. Si une éloge, dans une chose qui est bonne, qui est un bien pour les gens, qui l'approche d'Allah, c'est normal. D'accord? Et ça t'encourage à continuer. Si une éloge pour toi, ce que tu fais, et que le fond te soit remis à toi, ainsi de suite, adala. Adala. Donc, faire attention, comme on dit la dernière fois, souvent soumis, c'est là-dedans qui tombe, dans ce meuble-là. N'akhtar ma yakun riya.